بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سي نوتخ ويتيام سيز تور دو سيت رسالة intitulé l'éclaircissement sur les lacunes et les failles qu'il y a dans la nasiha de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. Et nous sommes à la 8e assise, barakallahu fikum. Qala al-doktor Ibrahim al-Ruhayli fi safhat 33, wa inna min a'jabi ma sami'tu fi hada أن بعض الطلبة قاموا بتوزيع بعض كتب الردود على بعض حديث العهد بالإسلام ممن لم تضي على إسلامهم سوى أيام أو أشهر، ووجهوا من قراءتها، فيا لله العجب من صنيع هؤلاء. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى دون سوتي سكدي الدكتور إبراهيم الرحيلي دو على باج 33 دون سناصحة ويلدي إي. Parmi les choses étonnantes que j'ai entendues, certains demandeurs de science ont distribué les livres de réplique à certains nouveaux convertis, à certaines personnes qui n'ont que quelques jours dans l'islam, ou un mois, ou quelques mois, et ils les ont orientés vers le fait de lire ces livres. Et Cheikh Ruhayli s'étonne de cette situation, et du fait qu'on a orienté ces jeunes à lire ces livres de réplique. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: أقول أولا كان ينبغي التثبت من هذا النقل فقد لا يثبت. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى d'abord il a dit il faut s'assurer de ce qu'on t'a transmis car peut-être que c'est pas vrai. ثانيا يجوز أن يكون هؤلاء الطلبة من أتباعها أهل الأهواء روافض أو غيرهم، وهذا أمر يستنكر. ولو وزعوا هذه الكتب على مسلمين متعلمين ولدوا في الإسلام. Et deuxièmement, il se peut que ceux qui ont distribué ces livres qu'ils fassent partie des gens de l'innovation comme Rawafid ou d'autres. Et ça, c'est une situation qu'il faut blâmer. Même s'il distribue, même si les gens de l'innovation distribuent les livres à des musulmans qui ont appris et qui sont nés dans l'islam. ثالثا يقول الشيخ ربيع حفظه الله: إن ثبت هذا عن طلبة ينتمون إلى السنة فإن هذا لا يضر بهؤلاء المسلمين الجدد، بل هو ينفعهم ويحميهم من تضليل أهل البدع لهم، فينبغي أن يلتمس العذر لهؤلاء الطلبة. Il dit, Habibullah Ta'ala, Cheikh Rabi', troisièmement, et si ceci est confirmé que ce sont des demandeurs de science qui font partie des gens de la Sunna, qui ont distribué ces livres à ces nouveaux-nés, à ces nouveaux musulmans, ceci ne fera aucun mal à ces nouveaux musulmans. Il va leur être bénéfique, ça va les protéger, les immuniser contre eux, les gens de l'innovation. Et il faut trouver des excuses à ces demandeurs de science. يقول الشيخ ربيع: فلعل هؤلاء الحديث العهد بالإسلام قد صارعت إليهم فرق الضلال كالروافض والخوارج والعلمانيين وحزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، وكلهم يجرهم إلى عقيدته ومنهجه، أو هرع إليهم بعض هذه الفرق ليجرهم إلى حزبه. أليس من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولهؤلاء الحديث العهد بالإسلام والعامة أن يحذروا من شر هذه الفرق وضلالهم؟ Et Cheikh Rabi' continue de dire dans ce troisième point, peut-être que ces nouveaux convertis, ces nouveaux dans l'islam, il y a les groupes de l'égarement qui se précipitent vers eux, comme le Rawafid, comme le Khawarij, comme les laïcs, comme le parti de Tahrir, ou le parti des frères musulmans, ou Jama'at Tablir, ou d'autres qui veulent les attirer vers leurs croyances et vers leur voie, ou alors d'autres groupes veulent les court vers eux pour les tirer vers leur parti. Et est-ce que ceci ne fait pas partie de la nasiha pour Allah, pour son livre, pour son messager, et pour ses nouveaux convertis, et pour le commun, qu'ils fassent attention au mal qu'il y a dans ces groupes et dans leur égarement? Ici, dans ce passage, tu vois, frère Allah, j'ouvre la parenthèse, je te dis que Cheikh Rabi' nous montre que ça fait partie de la nasiha, le fait de préserver les nouveaux convertis, pour qu'ils ne tombent pas dans les girons et dans les filets des gens qui suivent leur passion. Contrairement à ce que tu entends et ce que tu lis dans certains forums parmi ces insensés qui écrivent. Pourquoi émisser ces jeunes convertis là-dedans ou quoi que ce soit, hein? Regarde la parole de son éminent Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. والشيخ ربيع يستدل ويقول من لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فقالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى de prendre comme preuve il a dit est-ce que le Rasoul صلى الله عليه وسلم n'a pas dit la religion seul conseil ils ont dit pour qui il a dit pour Allah pour le livre d'Allah pour le messager d'Allah pour les imams des musulmans pour leurs communs. Et je te pose la question, frère en Allah, Azza wa Jal, ces nouveaux convertis ne font pas partie du commun du musulman? يقول الشيخ ربيع وإذا كان المردود عليه الذي لا نعرف منهجه من أهل الفتن وله دعوة ولمنهجه دعاة يتخطفون من يدخل في الإسلام ولا يميز بين الحق والباطل أيكون الراد عليه والمحدل منه مقتضى أو مبطلا. Il dit حفظه الله تعالى الشيخ ربيع, il dit quand est celui qui est concerné par la réplique dont on connaît pas sa voix et on ne connaît pas sa voix, et il fait partie des gens de la fitna, et il a une da'wa, et il fait partie des gens de la fitna, et il a une da'wa, il a une voix, il a des prêcheurs qui prennent ses paroles, qui vont chercher, qui attrapent les nouveaux convertis qui rentrent dans l'islam, qui ne font pas la part du bien, qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Est-ce que le fait de lui répliquer et d'avertir contre lui, celui qui réplique et qui avertit contre cet homme-là, il serait dans le faux, il serait en erreur? Hein? يقول الشيخ ربي حفظه الله أليس من النصيحة إذا كان هناك رد على هذا الصنف أن يبين لهؤلاء المساكين معنى هذا الرد وبطلان قول أو أقوال المردود عليه حماية لهم. الشيخ ربيع يدير, hein? Est-ce que maintenant ça ne fait pas partie du conseil quand il y a une réplique qui concerne ceux des gens de la fitna, est-ce que, hein, ça ne fait pas partie du conseil le fait d'éclairer ces pauvres, c'est-à-dire ces nouveaux convertis, hein, sur la signification de cette réplique et sur le faux des paroles de celui qui est concerné par les répliques pour les protéger? يقول الشيخ ربيع حفظه الله نحن نعرف أن لأهل الأهواء والتحزب أنشطة قوية لاحتواء من يسلم من الغربيين وغيرهم فهل تجد في القرآن والسنة نهيا عن حماية الضعفاء والعامة من العرب والعجم من غوائل أهل الأهواء؟ فعلا لا تجد. Et Cheikh de dire, حفظه الله تعالى, toujours les paroles, الشيخ ربيع حفظه الله تعالى, il dit, et nous on connaît des gens de l'innovation et qui font partie de groupes et de partis. Ils ont beaucoup d'activités, des activités très fortes pour essayer de drainer vers eux ceux qui se convertissent parmi les occidentaux et d'autres. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, en posant la question, est-ce que tu trouves dans le Coran et dans la Sunna une interdiction du fait de protéger, l'interdiction qui veut, qui dit qu'il ne faut pas protéger les faibles, le commun, parmi les Arabes, parmi les non-Arabes, des manigances et des manigances et des filets des gens d'eux qui suivent les passions. Et il dit, Habibullah Ta'ala, tu ne le trouveras pas. Tu ne le trouveras pas. Donc ça veut dire qu'il faut que ces jeunes sachent où ils mettent les pieds. يقول الشيخ ربيع وارى أنه ينبغي أن يزول عجبك وأن تشكر لهؤلاء الطلاب الناصحين إن كانوا من أهل السنة الثابتين وإن كانوا من أهل الضلال فإن تعجبك في محله بل يجب أن يستنكر فعلهم هذا بشدة لأنه يتضمن دعوة إلى الضلال والإضلال لهؤلاء المساكين. الشيخ ربيع يدير الشيخ الدكتور الرحيلي كالله سبحانه وتعالى لغيونت فيغ لبيان لو يدي يجوا qu'il faut que ton étonnement, hein, se dissipe et que tu remercies ces demandeurs de science qui sont dignes du conseil s'ils font partie des gens de la sunna et qu'il est confirmé qu'ils font partie des gens de la sunna, il faut les remercier. Et s'ils font partie des gens de l'égarement, bat ton étonnement et à sa place. Il faut blâmer l'oracle de la plus forte des façons, car il contient le fait de prêcher l'égarement et d'appeler vers l'égarement, hein, et d'appeler ces nouveaux convertis, ces pauvres vers l'égarement. Maintenant, je te pose la question, Akhal Islam. C'est quoi l'opinion de celui qui s'oppose au fait de propager les paroles des hommes de science? Quand il réplique aux divergents, il s'oppose à ça, il ne faut pas le propager en langue française, en langue anglaise, en allemand, etc. etc. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire devant ce détail de Cheikh Rabih Hamidallah Ta'ala? Le monde, regarde, frère Allah Azza wa Jal, qui tu veux écouter? Les insensés, ou tu veux écouter les hommes de science? Tu veux écouter les dignes de la communauté et leurs conseils? Ou ceux qui pêchent dans les eaux troubles? Sois-je ton corps, Akhal Islam. Tu es le seul qui choisit son chemin. Dans regard, tu mets tes pieds, barakallahu fik. قال الدكتور إبراهيم في الصفحة 33-35 سادسا الرد على المخالف من فروض الكفايات فإذا قام بأحد العلماء وتحقق المقصود الشرعي برده على المخالف وتحذير الأمة فقد برئت دمم العلماء بذلك على ما هو مقرر عند العلماء في سائر فروض الكفايات. Sixièmement, il dit, Cheikh Rabih Hafidhahullah Ta'ala, il dit, la réplique aux divergents fait partie des obligations collectives, c'est-à-dire s'il y a un certain nombre qu'il accomplit, les autres ne sont pas dans le péché. Et donc, il dit, cher Dr Rouhali, il dit dans cette phrase, dans ce paragraphe, si l'un des hommes de science a accompli la réplique, qui est un devoir collectif, et que le but légiféré qu'on attend de la réplique est atteint, hein, avec cette réplique, hein, et l'avertissement est arrivé à la communauté contre ce divergent et ses erreurs, donc la communauté n'est pas dans le péché, et les autres, ils n'ont plus, hein, à répliquer. Parce que, hein, le devoir collectif a été accompli par certains, et le but a été atteint. Comme il est confirmé, c'est les hommes de science, dont tous les domaines concernent, et toutes les obligations qui sont du domaine des obligations collectives. يقول الشيخ إبراهيم الرحيلي في هذا المقطع ومن الأخطاء الشائعة عندما يصدر رد من عالم على مخالف أو فتوى بالتحذير من خطأ مطالبة كثير من الطلبة المنتسبين للسنة العلماء وطلبة العلم بيان موقفهم من ذلك الرد أو تلك الفتوى بل وصل الأمر إلى أن يطالب من طلبة العلم الصغار بل العوام تحديد موقفهم من الراد والمردود عليه ثم يعقدون على ضوء ذلك الولاء والبراء ويتهاجر الناس بسبب ذلك حتى لربما هجر بعض الطلبة بعض شيوخهم الذين استفادوا منهم العلم والعقيدة الصحيحة سنين طويلة بسبب ذلك وربما عمت الفتنة البيوت فتجد الأخ يهجر أخاه والابن يجف والديه وربما طلقت الزوجة وفرق الأطفال بسبب ذلك. الشيخ إبراهيم الرحيلي دودير et fait partie des erreurs quand il y a une réplique qui apparaît de la parole qui émane d'un homme de science sur quelqu'un qui est en divergence ou qui a une fatwa qui apparaît avertissant d'une erreur, contre une erreur, de demander aux demandeurs de science qui font partie de la sunna et aux hommes de science de la sunna, hein, de montrer leur position vis-à-vis de cette réplique et vis-à-vis de celui, hein, vis-à-vis de cette fatwa et vis-à-vis de celui qui a reçu la réplique. Et la situation est arrivée qu'on demande de petits demandeurs de science et même au commun de montrer leur position vis-à-vis de la réplique et vis-à-vis de celui qui est concerné par la réplique. Et à partir de là, l'alliance et le désaveu et les gens se font l'hajr entre eux à cause de ça, et peut-être que même certains demandeurs de science vont délaisser les assises de leur prof chez lequel ils ont appris la science, l'aqida authentique depuis plusieurs années, et à cause de ça ils vont les délaisser, et peut-être que la fitna va encore se propager dans les maisons, et tu vas trouver que le frère va mettre à la quarantaine et délaisser son frère, ne pas lui parler, son frère le sent, et que le fils va être dur avec ses parents à cause de ça, et peut-être qu'une femme va être divorcée, et on aura séparé les enfants à cause de ça, et ainsi de suite. Yaqulu al-Sheikh al-Doktor Ibrahim al-Ruhayli fi hadha al-maqta, وأما إذا ما نظرت إلى المجتمع فتجد أنه انقسم إلى طائفتين أو أكثر كل طائفة تكيل للأخرى التهم وتوجب الهجر لها وكل هذا بين المنتسبين للسنة ممن لا تستطيع طائفة أن تقدح في عقيدة الطائفة الأخرى وفي سلامة منهجها قبل أن ينشأ هذا الخلاف وهذا مرجعه إما إلى الجهل المفرط بالسنة وقواعد الإنكار عند أهل السنة أو إلى الهوى نسأل الله العافية والسلامة et toujours les paroles de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli cité ici par Cheikh Rabi, il dit, et si tu regardes la société, si tu jettes un regard sur la société, tu vas voir que la société est divisée en deux groupes, ou en plus. Chaque groupe va accuser les autres groupes. Il va l'accuser de choses qu'ils vont appliquer, qu'il faut le délaisser et le mettre à la quarantaine. Et il dit, tout ceci se fait entre les gens qui appartiennent à la sunna. Et un groupe ne peut pas dénigrer les croyances de l'autre groupe. Et ne peut pas non plus le dénigrer dans le fait que sa voix est saine. Avant que cette divergence n'apparaisse. Il dit ça, son origine, c'est soit l'extrême de l'ignorance de certaines règles. L'extrême ignorance de la sunna et des règles. Du fait des règles du blâme chez les gens de la sunna, ou alors ça revient aux passions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et maintenant, à l'analyse de Cheikh Rabi Hafidhahullah ta'ala et la critique de Cheikh Rabi de ce passage. يقول قولك الرد على المخالف من فروض الكفايات فإذا قام بأحد العلماء وتحقق المقصود الشرعي برده على المخالف وتحذير الأمة فقد بأرئ الذمم العلماء بذلك على ما هو مقرر عند العلماء في سائر فروض الكفايات الشيخ ربيع دو دير الشيخ إبراهيم الرحيلي كنت يدي كل فت دو ريبليكي وديفرجون fait partie des obligations collectives et que si un homme de science l'a compris et que avec cette réplique qui a eu de cet homme de science, on est arrivé au but légiféré concernant l'avertissement de la communauté et la réplique à ce divergent. Donc, les autres ne sont plus responsables, les autres hommes de science ne sont plus responsables de répliquer. Et ceci est confirmé, c'est les hommes de science à tous les niveaux concernés par les obligations collectives. Cheikh Rabi Yaqoul, Naam, idha tahakkaka al-maqsoud al-shar'i bi raddi hadha al-wahid, faqad bara'at dhimmat al-baqin min al-muslimin. Cheikh Rabi doit dire, oui, certes, si le but légiféré est accompli avec la réplique de cet homme seul, de cet homme de science seul, donc les autres ne sont plus responsables. Les autres musulmans ne sont plus responsables et les autres hommes de science ne sont plus responsables. يقول لكن إذا لم يتحقق المقصود الشرعي برد الواحد على المخالف بأن يعاند هذا المبتدع المردود عليه وبأن يوجد في الساحة أناس من أدعياء العلم يدعمون المردود عليه ويفرحون بردوده الظالمة الباطلة على ذلك العالم الراد للبدع والأباطل ويوجد علماء ساكتون لم يبيئوا خطأ وأباطل المردود عليه بل يستغل المردود عليه هذا السكوت ويهم الناس أن هؤلاء الساكتين معه ويؤيدونه ويهمهم بأنه لو كان على الباطل آذانوه فإنه حينئذ قطعا يجب على العلماء الساكتين أن يبينوا للناس الحق نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة Et ouvre bien tes oreilles, frère en Allah Azza wa Jal. Mais si le but légiféré par la réplique n'a pas été accompli par la réplique de cet seul homme de science, que celui qui est concerné par la réplique s'entête et s'enorgueille, et il se trouve sur le terrain des gens qui prétendent avoir la science, qui renforce celui qui a subi la réplique et qui sont réjouis par la réplique de celui qui est concerné par la réplique. Ils sont réjouis par ces répliques injustes et fausses. Qui sont, et ces répliques injustes et fausses sont orientées vers l'homme de science digne du nom, qui réplique aux innovations et aux faux. Et il se trouve aussi parmi les gens de science qui se taisent. Ils ne montrent pas l'erreur et le faux. L'erreur et les mauvaises situations de celui qui subit la réplique. Et celui qui a subi la réplique profite du fait que ces hommes de science se taisent et donnent l'illusion aux gens que ceux qui se taisent sont avec lui et le renforcent et lui donnent raison. Et il leur fait passer cette illusion comme quoi s'il était sur le faux, ces hommes de science auraient parlé, ils l'auraient dit. Et Cheikh Rabi' a dû dire, puisque ici on est dans cette situation-là, donc à ce moment-là, il est obligatoire que les hommes de science qui se sont tus doivent, il est obligatoire pour eux de montrer aux gens la vérité pour accomplir le conseil pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les imams des musulmans, pour leur commun. يقول الشيخ ونصرة للحق وحسما لمادة الفتن والاختلاف التي نأشأت عن السكوت أو التأييد المبطن لصاحب هذا الباطل الذين أديا إلى عدم تحقق المقصود الذي يسقط الحرج عن الباقين. Il dit aussi, ces hommes de science qui se sont tués doivent montrer la vérité aux gens par conseil au livre d'Allah, au commun, pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les imams des musulmans et pour leurs communs, pour faire triompher la vérité et pour arrêter le sujet de la fitna et de la divergence qui est née du fait que ces hommes de science se sont tus et que l'autre, il a pris le fait que les hommes de science n'ont rien dit, se sont tus, ils ont pris ça, il a déguisé leur position et le fait qu'ils n'ont pas parlé comme quoi, ils lui donnent raison. Il donne raison à l'homme du faux. Et ceci, ces deux points font que on n'arrive pas à l'accomplissement du but. Et donc, dans ces cas-là, les autres hommes de science, leur responsabilité est là, elle est présente, ils doivent parler. Leur responsabilité ne tombe pas dans ces cas-là, puisque le but n'a pas été atteint par la réplique. يقول الشيخ ربي حفظه الله ولا يجوز أن يقال فقد برئ الذمم الباقين. Il dit, il n'est pas permis dans ces cas-là de dire que la responsabilité des autres est tombée. Ils sont plus responsables de répliquer. يقول فإذا لم يتحقق المقصود برد واحد أو عشرة من العلماء لم تبرد ذمة بقية العلماء حتى ينهضوا أو ينهض منهم من يتحقق به المقصود وتنطفئ بهم الفتنة وبأن يظهر الحق للناس والله بالعلم والعوام كما يظهر لهم الباطل. Il dit, حفظه الله تعالى, ici le but de la réplique n'a pas été atteint par la réplique d'un seul homme de science ou par la réplique de 10 hommes de science. Donc les autres sont toujours responsables. Tous les autres hommes de science sont responsables. Jusqu'à ce que se lève quelqu'un et qu'il fasse une réplique, ou plusieurs s'élèvent et ils font une réplique, ou une seule personne se lève et fait une réplique qui va amener au but et que la fitna s'éteigne et que apparaisse la vérité pour les gens, pour les demandeurs de science, pour le commun, comme il leur apparaît, comme leur apparaîtra aussi le faux. يقول فالقول بتحقق المقصود والحال هذه والبلبلة والاضطراب الشديد قائمين أمر عجيب وأعجم منه قول القائل قد برأت ذمة العلماء. الشيخ ربيع de dire, en commentant ce passage, il dit, et le fait de dire, si le but est accompli, il dit la situation est telle qu'il est. La fitna qu'il y a actuellement, les perturbations, les grandes perturbations qui sont maintenant devant nous, il dit le fait de dire ceci est une situation étonnante. Il dit plutôt étonnant que ça, c'est le fait de dire que la responsabilité des hommes de science, que les hommes de science ne sont plus responsables. يقول الشيخ ربيع وكان يجب على الدكتور إبراهيم والعلماء الساكتين وغيرهم أن يتحركوا لمواجهة الفتنة أو الفتن ضاربة أطنابها وأن يكون هذا الواقع المؤلم حافزا لهم على القيام بواجب الكفاية. Et Cheikh Rabi' de dire à Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, il était du devoir du docteur Ibrahim et des hommes de science qui se sont tus et d'autres de bouger pour faire face à cette fitna et pour faire face à ces fitnes qui sont propagées à travers le monde. Et que cette situation douloureuse doit être un leitmotiv pour eux qui doit les pousser à accomplir le devoir collectif. يقول ولا يبعد أن يكون سبب هذه الفتنة الكبيرة وما ترتب عليها وسكوت الساكتين الذين يرفضون أن يقوموا بهذا الواجب الكفائي الذي لم يتحقق المقصود منه برد شخص واحد وتأمل فقه أهل السنة السابقين وقيامهم مجتمعين بهذا الواجب العظيم. الشيخ ربيع de dire il n'est pas loin que la cause de cette grande fitna et ce qui découle de cette fitna peut-être que c'est la cause, c'est le fait que ces hommes de science se sont tus, que ces hommes de science se sont tus, ils ont refusé d'accomplir ce devoir collectif. Hein? Ce devoir collectif qui n'a pas été accompli pour atteindre le but demandé pour répliquer à une personne. Hein? Qui n'a pas atteint le but demandé avec la réplique d'une seule personne. Et il dit immédiate la compréhension des gens de la sunna, des gens anciens. Et comment ils s'unissent tous, comment ils sont unis à faire, à accomplir cet énorme devoir et ce noble devoir. Qui est la réplique au faux et aux gens du faux. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في إنكاره على أهل البدع. Et Cheikh Rabi' de prendre comme preuve l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij Salikin, il prend des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le fait de blâmer aux gens de l'innovation. يقول Ibn al-Qayyim ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. Et Ibn al-Qayyim de dire, c'est pour ça que Salaf était très sévère, et les imams d'Yal Salaf, les pieux prédécesseurs ainsi que leurs imams, ils étaient très sévères. Ils ont crié contre eux l'innovation, ils ont crié à la face des gens de l'innovation dans tous les pays, ils ont averti contre leur fitna du plus grand avertissement. Ils sont allés très loin dans leur avertissement. Ce qu'ils n'ont pas fait pour blâmer les péchés capitaux, l'injustice, etc., etc. Car le mal qui découle des innovations et la destruction des innovations de la religion sont énormes. Le mal qui en découle est énorme. Il détruit la religion. Et il est en contradiction, d'une grande contradiction avec la religion. يقول الشيخ ربيع وأنا أسأل الدكتور إبراهيم الدكتور إبراهيم مثلا الجهاد في سبيل الله من فروض الكفايات فإذا ذهب شخص واحد لجهاد دولة كافرة تهدد الإسلام والمسلمين فهل يتحقق المقصود الشرعي بذهاب هذا الواحد أو ذهب للجهاد المئات؟ فإذا ذهب شخص واحد لجهاد دولة كافرة تهدد الإسلام والمسلمين فهل يتحقق المقصود الشرعي بذهاب هذا الواحد أو ذهب للجهاد المئات لكن لم يحصل بهم المقصود الشرعي ولم يندفع بهم هذا التهديد فهل يجوز للعلماء السكوت في هذه الحال أو يجب عليهم أن يحثوا الناس على الجهاد ليقوموا بهذا الواجب الكفائي. Et Cheikh Rabi' de dire, moi je pose la question à Dr Ibrahim Ruhal, il dit par exemple, le combat sur le terrain, sur le sentier d'Allah, fait partie des obligations du domaine collectif. Si une seule personne maintenant sort pour combattre un pays mécréant qui menace l'islam et les musulmans, est-ce que le but légiféré va être accompli et atteint par cette seule personne qui est partie? Ou alors si des centaines, 100 personnes sont parties pour faire ce combat sur le sentier d'Allah et qu'on n'est pas arrivé au but léger ferré et que la menace des mécréants est toujours là, est-ce qu'il est permis aux hommes de science de se taire dans ces cas-là? فهل يجوز للعلماء السكوت في هذه الحال أو يجب عليهم أن يحثوا الناس على الجهاد ليقوموا بهذا الواجب الكفائي؟ Est-ce qu'il est permis à ce moment-là aux hommes de science de se taire ou alors il est obligatoire pour eux d'inciter les gens au combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala pour que s'accomplisse ce devoir collectif. يقول وأنه لا بد من توفر العدد الكافي للقيام بهذا الواجب ولإسقاط الحرج عن باقي المسلمين. الشيخ ربيع يقول il est obligatoire qu'il y ait le nombre suffisant pour accomplir ce devoir et pour que les autres ne soient plus responsables, les autres musulmans ne soient plus responsables. يقول وإذا لم يحققوا هذا العدد الكافي فإن المسلمين آثمون في هذه الحال ويتحملون مسؤولية ما يلحق بالإسلام والمسلمين من الأضرار. Il dit, et si on n'arrive pas à ce nombre suffisant, hein, ben les musulmans sont dans le péché dans cette situation-là. Et ils se sont pas acquittés de leurs responsabilités. Ils sont responsables de ce qui arrive à l'islam et aux musulmans comme mal. يقول حفظه الله وقل مثل ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد فيه من توفر العدد الكافي لقمع الفتن إذا لم تقمع بالواحد والعشرة والعشرين. Il dit حفظه الله تعالى الشيخ ربيع dit ça aussi pour tout ce qui concerne le fait de redonner le bien et de blâmer le mal. Il est obligatoire qu'un nombre suffisant l'accomplisse pour que s'anéantisse la fitna. Si la fitna n'est pas éteinte par une personne ou par 10 ou par 20, il faut le nombre suffisant. يقول فظهر بهذا أن مطالبة كثيرا من الطلبة المنتسبين إلى السنة للعلماء بيان موفق فيهم حق وصواب إن صح وجود هذه المطالبة وليس من الأخطاء وأن المخطئ هو من يخطئهم وأن سكوت العلماء عند الحاجة أو الضرورة لبيان الحق يكون من كتمان الحق ومن الخطأ الكبير الذي تترتب عليه مفاسد وفتن وانقسام الناس إلى طائفتين أو طوائف يختصمون ويتهاجرون. Le Cheikh Rabi' de dire, écoute bien, ouvre bien tes oreilles à ces paroles du Cheikh Rabi'. Il dit, maintenant il apparaît clairement que le fait de demander, que le fait que des demandeurs de science qui font partie des gens de la Sunna, quand ils demandent aux hommes de science de éclairer leur position, ceci est juste. Si c'est vrai qu'il y a eu ces demandes, ben c'est une demande qui est juste. Et ça ne fait pas partie des erreurs. Et celui qui est dans l'erreur, c'est celui qui dit que ces demandeurs de science sont dans l'erreur parce qu'ils ont demandé aux hommes de science et aux autres demandeurs de science de montrer leur position. Yaqul, et le fait que les hommes de science se taisent au moment où il y a besoin de l'éclaircissement, au moment où il y a la nécessité de d'éclairer la vérité, ceci fait partie du fait de cacher la vérité. Et fait partie, et c'est une grande erreur, de laquelle va découler beaucoup de mal et beaucoup de fitanes. Et les gens vont se diviser en deux groupes, sinon en plusieurs groupes, qui vont avoir des litiges entre eux, qui vont se disputer entre eux, qui vont se délaisser entre eux, etc. يقول واخيرا فكان يجب عليك بيان الطرف طرف الظالم المعاند الذي تسبب في هذه الفتنة الرهيبة التي وصلت إلى هذا الحد الكبير الذي وصفته حتى يكون الناس ولا سيما العوام على بصيرة من دينهم فيأخذون الحق ويردون الباطل ويكون ولاؤهم وبراءهم على بصيرة وهذا من واجبات صاحب هذه النصيحة. Il dit dernièrement, dit en commentaire dans ce passage, Cheikh Rabi, il dit, et dernièrement, il était obligatoire. Ça, il s'adresse à Cheikh Dr Ibrahim Rouhani. Il était obligatoire de montrer l'autre côté injuste et entêté qui est la cause de cette fitna horrible qui est arrivée à ce stade que tu as décrit pour que les gens et surtout le commun soient dans une clairvoyance dans leur religion, qu'ils prennent la vérité et que les gens puissent prendre la vérité et rejeter le faux. Et que leur alliance et leur désaveu se fassent sur une clairvoyance et sur une situation claire. Car ceci fait partie des obligations de celui qui a écrit la nasiha. Dire, que ça fait partie des obligations de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli de le détailler et de l'éclairer. Tu vois, frère en Allah Azza wa Jal, dans ce passage, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, il nous montre que ça fait que les hommes de science n'ont pas à se taire quant à ceux qui ont subi la réplique ou que ceux qui sont concernés par une réplique ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas à leur place, ils ne se repentent pas. Quand ils ne reviennent pas par la réplique d'un homme de science, et surtout, quand celui qui subit la réplique, il a des alliés parmi ceux qui prétendent la science, et qu'ils profitent, et que tous ils profitent du fait que les hommes de science se taisent, que les autres hommes de science se taisent, hein? Et Cheikh Rabi de nous montrer que l'étude du devoir de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli et des autres hommes de science qui se sont tus de bouger pour faire face à la fitna qui est apparente maintenant à travers le monde. Et Cheikh Rabi nous a montré que ce n'est pas loin que la cause de la fitna et le fait que cette fitna est constante maintenant, c'est le fait qu'un certain nombre de sciences se sont tus. Ils n'ont pas rempli leur devoir collectif. Il nous a montré aussi que fait partie de la jurisprudence des pieux prédécesseurs qu'ils accomplissent tous, hein, unis. Ils se lèvent tous contre la fitna. Et Cheikh Rabir nous a éclairci avec en donnant comme exemple le jihad, le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il s'accomplit, hein, si ce devoir collectif ne s'accomplit pas par un groupe, ben il est obligatoire d'inciter les gens, les hommes de science doivent inciter les gens à sortir pour les aider, pour que s'accomplisse ce devoir collectif. Et Cheikh Rabi nous a montré que le fait que les hommes de science se taisent et ne montrent pas la vérité au moment où on en a besoin, ceci fait partie du fait de cacher la vérité. Et il a orienté Cheikh Ibrahim al-Ruhayli comme quoi il était de son devoir de montrer l'autre côté qui est injuste et qui est derrière cette fitna, qui est la cause de cette fitna. Car Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, c'est lui qui a écrit cette nasiha pour faire taire la fitna. Et donc Cheikh Rabi' de dire Safha 36 قال الدكتور إبراهيم الرحيلي تاسعا علماء أهل السنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة السنة ينبغي أن يحفظ مقامهم ويعرف لهم قدرهم ولا يجوز تنقصهم أو تبديعهم أو اتهامهم بهوى وعصبية بمجرد خطأهم في الاجتهاد. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى دنسيت أن ندخل بساج دي دون الكري دو الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي على باس 36. Dit neuvièmement, les hommes de science de la sunna qui sont connus par leur aqida authentique et par le fait qu'ils sont dignes de l'effort de l'interprétation et qu'ils font des efforts à faire triompher, qu'ils ont fait pour triompher la sunna, il est obligatoire de préserver leur honneur et leur place dans la communauté. Il n'est pas permis de les dénigrer, ni de décréter leur innovation, de dire d'eux qu'ils sont des innovateurs, ni de les accuser comme quoi ils suivent les passions, comme quoi ils sont sectaires, tout simplement parce qu'ils sont tombés dans une erreur dans l'effort de l'interprétation. أقول يقول الشيخ ربيع حفظه الله هذا أمر مسلم عند أهل السنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة السنة وقد يحصل منهم الخطأ في دقيق الأمور وخفيها فهؤلاء يحفظ لهم مقامهم ويعرف لهم قدرهم ولا يطعن فيهم إلا صاحب هوى كما هو واقع أهل الأهواء. Cheikh Rabi' de dire, حفظه الله تعالى, ceci c'est quelque chose, c'est une situation acquise, c'est les gens de la sunna que celui qui est connu pour eux étant homme de la sunna, faisant triompher la sunna, homme d'une aqida authentique, qui fait triompher la aqida authentique, qui fait triompher la sunna, il peut qu'il tombe dans une erreur, dans un sujet subtil, ou très minutieux, ou subtil, et cela, il faut leur préserver leur place dans la communauté. Il faut leur préserver leur honneur et reconnaître leur honneur et leur place. Il ne faut pas les dénigrer, car celui qui les dénigre, ce n'est qu'un homme qui suit ses passions. Et comme il est la situation des gens qui suivent leurs passions, c'est eux qui dénigrent. C'est noble quand ils tombent dans une erreur. Mais abadan, les gens de la sunna les dénigrent. يقول الشيخ ربيع: أما إذا كان الانحراف في أمور جلية واضحة كان يدافع هذا المدعي للسنة عن أهل البدع والضلال من القائلين بوحدة الوجود وتعطيل صفات الله والطعن في أصحاب رسول الله والقول بأزلية الروح وغير ذلك من الضلالات الواضحة، أو يدافع بالكذب والخيانة عن القائلين بوحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان وغيرها من الضلالات الواضحة الجاليات التي ينكرها حتى أهل البدع والضلالات. الشيخ دونوزير: mais si il fait partie des gens de la déviance, mais il a parlé de la situation de l'homme de science à qui il faut préserver son erreur, à son honneur et sa place. Mais maintenant il nous parle de quelqu'un d'autre. Il parle de quelqu'un, c'est cette personne fait partie des gens de la déviance, qui a dévié dans des choses qui sont claires, comme le fait... Il nous parle de la déviance, hein, dans les choses claires, comme le fait que cet homme de science défend quelqu'un qui prétend la sunna. Il dit, حفظه الله تعالى, أما إذا كان الحلاف في أمور جلية واضحة, si la déviance maintenant concerne des sujets qui sont très clairs, comme le fait de défendre que ce prétendant de la sunna défend les gens de l'innovation, de l'égarement, et qui, en plus de ça, gobe et disent l'unicité de l'existence, et qui dépouille les attributs d'Allah, et qui dénigre et insulte les nobles compagnons du prophète, et qui disent que l'âme est ancienne, et d'autres parmi les égarements clairs, ou alors il défend avec mensonge et par trahison ceux qui disent, hein, l'unicité de la religion et qui proclament l'unicité de des religions et la liberté des religions, la fraternité des religions, et d'autres parmi les égarements qui sont clairs, hein, que blâment même les gens de l'innovation et de l'égarement. يقول ويزيد على ذلك محاربة أهل السنة وإسقاط علمائهم ويعتبرهم غلاة وشذاذا إذا واجهوا أهل الضلال وانتقدوا بدعاهم، ويزيد على هذا البلاء اختراع أصول باطلة لمواجهة أصول أهل السنة، كأصل نصحح ولا نجرح، وبعضهم يقول نصحح ولا نهدم، وقاعدة لا يلزمني التي يردون بها الحق الواضح كالشمس، وحمل مجملات أهل الباطل على ما يزعمون أنه من مفصلاتهم، بينما ضلالاتهم واضحة كالشمس ومفصلة تفصيلا واضحا جليا، وكأصلهم المنهج الواسع الأفيح الذي يسع أهل السنة والأمة كلها. Il rajoute à tous ces égards, mon cassité cher, ce prétendant de la sunna qui défend les gens de l'innovation, il rajoute à tout ça le fait de faire la guerre aux gens de la sunna et de faire tomber les emblèmes des hommes de science de la sunna et de considérer les hommes de la sunna et les savants de la sunna comme quoi ils sont des extrémistes et qu'ils sont durs parce qu'ils font face aux gens de l'égarement et parce qu'ils critiquent et ils rejettent leurs innovations. Et il rajoute à ces épreuves, et en plus de ça, innove des fondements et des règles fausses pour faire face aux fondements des gens de la sunna. Comme le fondement, nous authentifions et ne faisons pas le jarh de la personne. On authentifie et on corrige et on ne fait pas le jarh. Et certains d'autres, ça c'est la parole de Adnan Al-Aur, et certains d'autres disent, nous corrigeons et on ne détruit pas. Ça c'est la parole, c'est la règle de Ali Hassan. Et notre règle, je ne suis pas obligé de prendre. Ça implique pas que je dois prendre. Ça, c'est la règle de Ali Hassan. Et tout ça, il répète pour rejeter la vérité qui est claire, comme le soleil en plein zénith. Et aussi, il rajoute à ça, on prend le général des paroles des gens de faux vers les paroles qui sont détaillées, prétend-il. Alors que leurs égarements sont clairs, comme le soleil en plein zénith. Et leurs égarements sont détaillés d'un détail clair. Et comme leur fondement qu'ils ont fondé, la voie large, qui est large pour tous les gens de la sunna et pour toute la communauté, y compris les égarés de la communauté. يقول وهو يطلق لفظ أهل السنة والاتباع على أهل البدع والطرق الضالة المشتملة على الشركيات والبدع ووحدة الوجود. Il dit va avec tout ça, hein, ce prétendant de la Sunna qui combat la Sunna, il donne le nom des gens de la Sunna et du suivi, il le donne aux gens de l'innovation et des sectes égarées. Et aux sectes garées qui contient l'associationnisme et les grandes innovations comme l'unicité de l'existence. Et avec ça, voyez ces voix, la sunna bil ghoutha, wal aradil, wal ghoulou, wal taqlil, wal ta'assub al-a'ma, ila akhir al-ta'un al-fajir la tibia, la sunna. Et avec ça, il décrit les jeunes de la sunna comme quoi ils n'ont aucun poids. Et que ce sont des mauvais, ce sont des extrémistes, ce sont des imitateurs, ce sont des fanatiques, ce sont des sectaires aveugles. Et d'autres critiques et dénigrements qui sont très mauvaises. Et il attribue tout ça aux gens de la Sunna. ويزيد هذا الصنف أن يصح في الصحابة بأنهم غتاء ولا يرى ذلك سبا إذا صدر من أمثاله ويصر على ذلك. Et cette catégorie, voit que le fait de dire que les compagnons sont des routas, ils n'ont aucun poids. Hein, le routa, c'est ces brindilles qui sont portées par le fleuve quand il ramène avec ses écumes, il y a des petites brindilles. C'est ça le routa. Et هذا il décrit Sahaba, les compagnons qu'on croit c'est un routin, il ne voit pas que c'est une insulte quand ça arrive de lui et des gens similaires à lui. Et ceci, Cheikh Rabih fait allusion à Abul Hassan, Abul Fitan. يقول فهذا الصنف الذي هذا حاله لا يجوز لعاقل يعرف السنة ويحترمها أن يعدهم من أهل السنة ويطلب من الناس أن يحفظوا لهم مقاماتهم ويعرفوا لهم قدرهم ويحرم تبديعهم واتهامهم بالهوى والعصبية مع أن هواهم وضلالاتهم وفتنهم وعصبيتهم لأهل الضلال الكبرى كلها واضحة ومحاربتهم لأهل السنة واضحة جلية فإن أهل السنة وأئمتهم يبدعون من بأقل من هذا. Et écoute bien ce que dit Cheikh ici. Donc cette catégorie, c'est-à-dire que nous achetons Cheikh, donc les hommes de science dignes du nom, hein, même quand ils subissent la réplique pour une erreur, on préserve leur place, etc. La Cheikh il te parle de la catégorie qui prétend la sunna, qui défend les gens de l'innovation. Il dit cette catégorie dont la situation est ainsi. Il n'est pas permis à quelqu'un doué de raison qui connaît la sunna et qui respecte la sunna de les considérer comme des gens de la sunna et en plus de demander aux gens de préserver leur situation et de leur réserver les honneurs et de connaître leur situation et il interdit aux gens du fait de les rendre innovateurs ou le fait de les accuser comme quoi ils suivent leur passion et de les accuser du sectarisme. Alors que leur passion et leur égarement et leur fitna et leur sectarisme et leur fanatisme aux gens de l'égarement, aux gens du grand égarement sont clairs. Et leur guerre contre les gens de la sunna est claire. Et en plus de ça, Cheikh Rabi' nous dit, les gens de la sunna et les imams de la sunna font tabdi' de quelqu'un avec des choses qui sont moindres que celles-ci que viennent de citer Cheikh, dans laquelle est tombé Ali Hassan, Aboul Hassan, Adnan Ar'or, Al-Maghrawi et d'autres. Yaqul, فهذا الإمام أحمد يقول في من يشتم أهل الحديث زنديق زنديق. Il dit voici l'imam Ahmed. Il dit dans celui qui insulte tout simplement les gens du hadith. Il dit de lui qu'il est zindiq, zindiq. Et zindiq, c'est certain nombre de sciences. Il est similaire d'hypocrite à l'islam. Et regarde. Et alors qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui dit des compagnons qui n'ont aucun poids, que c'est un brandy? Subhanallah, on le considère comme, certains le considèrent maintenant comme ils faisant partie des gens de la sunna. Yaqul, wa yuqirru ala sunna ala hadha al-hukm, wa minhum shaykh l'islam ibn taymiyyah alladhi qala mu'akkidan li qawli al-imam Ahmad innahu li annahu 'arafa maghzah. Et en plus de ça, la parole de l'imam Ahmed, il est confirmé, il est appuyé par les gens de sa sunna quand il a émis cette sentence, les gens de la sunna l'ont approuvé et fait partie de ces gens. Cheikh l'Islam de Taymiyyah, qui a dit que la parole de l'imam Ahmad, l'imam Ahmad a dit cette parole parce qu'il connaît son sens. Hein? Parce qu'il connaît son sens. Et parce qu'il connaît, hein, qu'est-ce que le sens des insultes de celui qui insulte les gens du hadith. يقول وهذا الإمام أبو زرع يقول من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق إلى آخره. Et voici l'imam Abu Zar'a qui dit que celui qui diminue de la valeur d'un seul compagnon parmi les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam, c'est un zindiq. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire de celui qui dit qu'ils sont des routa? Hein? Routa, des brindis, son poids. أعوذ بالله وتناقل هذا الكلام أهل السنة ولم يعارضوا أحد يوم بلسير دوسا الشيخ الشيخ ربيع دونجيغي لزوم دولا سنة سسون ترانسمي لزان لزوف سي بارول دو أهل السنة et personne ne s'est opposé à ça pour te montrer que maintenant à notre époque tout un chacun s'oppose aux paroles d'hommes de science. يقول وهذه كتب العقائد بين أيدي الناس وهذه كتب الجرح والتعديل بين أيدي الناس والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الشيخ ربيع دونجيه voici les livres des croyances entre les gens des gens entre les mains des gens voici les livres de la réfutation et de l'éloge entre les mains des gens et il dit en plus de ça il dit dans le verset oh vous qui avez cru préservez les droits de Allah subhanahu wa ta'ala et dites une parole juste une parole qui est dans le mille ici sadid qawlan sadidan c'est les hommes de science voient aussi que c'est la ilaha illallah voient aussi que c'est la parole qui est dans le mille qui est juste et si vous dites une parole juste si vous préservez les droits de Allah subhanahu wa ta'ala vous dites une parole juste Allah subhanahu wa ta'ala réforme vos œuvres. Fait que vos œuvres soient bonnes et pardonne vos péchés et celui qui obéit à Allah et à son messager aura gagné le plus grand des gains. Donc frère en Allah Azza wa Jal, dans ce passage avec lequel nous terminons, Cheikh Rabi' nous montre qu'il y a une grande différence entre les sujets qui sont clairs et les sujets qui sont subtils. Hein? Et que le fait que quelqu'un déclare haut et fort l'unicité de l'existence et il déclare haut et fort la fraternité entre les religions. Ceci est une situation qui est claire et un sujet qui est clair. Et celui qui défend les gens des grandes innovations et qui innove des grandes règles fausses qui vont à l'encontre de la voie des salaf pour protéger les innovateurs et leurs innovations, il n'est pas permis, Cheikh Rabi' de nous dire, il n'est pas permis de le prendre, de le considérer comme un homme de la sunna. Et il nous a donné des exemples que l'imam Ahmed, il a rendu innovateur des gens qui sont tombés dans des moindres égarements que celles dans laquelle se trouvent les grands qui portent l'étendard de la fitna à notre époque, qui sont cités par Cheikh Rabi' au début, qui sont Adnan Al-Aur, Abul Hassan, Abul Fitan plutôt, comme l'appelle les hommes de science, et Ali Al-Halabi, ainsi que le Maghraoui, toute cette clique-là qui va dans le même sens, à l'islam. Face à Allah Al-Azim, Rabb Al-Arsh Al-Azim, an yanfa'ana bi kalami Cheikhina Cheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et je sais que les ambiguïtés ne cessent de tomber et que beaucoup n'acceptent pas les paroles de Cheikh Rabi, n'acceptent pas cette énorme réplique qui est claire, basée sur le livre et sur la sunna. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut, ouvre le cœur de qui il veut pour la vérité. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance et que Allah subhanahu wa ta'ala guide nos frères et nos sœurs à accepter la vérité. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا يا دمين إن شاء الله بإذن الله.